vous avez le droit à une vie de bohème. Parce que vous avez le droit de fabriquer une roulotte pour vivre en pleine nature. Parce qu'avec Sur la route de vos projets, la série de podcasts de la Banque Postale présentée par Ariane Massenet, vous avez le droit de partir à la rencontre de ceux qui ont cru en leurs rêves et les ont réalisés. Découvrez en exclusivité sur les plateformes de streaming tous les épisodes de Sur la route de vos projets. C'est ça, être banque et citoyenne. La Banque Postale. La Banque Postale, intermédiaire du crédit du prêteur. Les nuits de France Culture. France Culture, une mémoire radiophonique. Comme on va l'entendre, animant une masterclass de Claude Chabrol en 2009, s'il s'en était aussitôt défendu, c'était bien de son dernier film dont avait parlé Pascal Mérigeau en évoquant Bel Ami que venait de terminer le cinéaste. Ce à quoi Chabrol avait immédiatement et vivement réagi en lui lançant « Ne parle jamais de dernier film ». Bel Ami fut pourtant bien le dernier film de Claude Chabrol qui devait disparaître en septembre 2010. Le 58e des films de cinéma, Bel Ami, à côté desquels on compte, de ce très prolifique réalisateur, un nombre important de films pour la télévision, notamment des Fantomas, des Lavardins et des adaptations de Maupassant. Pendant les 60 minutes réjouissantes de cette masterclass Claude Chabrol, qui s'inscrivait dans une série consacrée au cinéma initiée par le Forum des images, rien ne se disait au fond de capital sur le cinéma, rien d'essentiel non plus sur l'œuvre de Claude Chabrol et encore moins sur le sens de l'existence. Pourtant, si les masterclass ont des élèves et s'ils sont des réalisateurs en herbe, ils pourront entendre là qu'un excellent scénario peut s'écrire à la main, sur un cahier grand format à petits carreaux par exemple, que l'on peut, à condition de les tourner, rater des films sans en être accablé pour le restant de ses jours et surtout que l'on peut signer en restant soi-même, quelques-uns des meilleurs films de son temps, sans avoir, avec la création cinématographique, un rapport exagérément névrotique. En cela, Claude Chabrol, cinéaste et cinéphile, aura été un très bon professeur. Masterclass Forum des images avec Claude Chabrol, au micro de Pascal Mérigeau, une émission diffusée la première fois, le 1er août 2009, sur France Culture. Réalisation, Sylvie Migaud. Masterclass Forum des images. Pour conclure ces après-midi des samedis d'été consacrés au 7e art, France Culture propose la diffusion des masterclass initiées par le Forum des images depuis sa réouverture en décembre dernier, animée par Pascal Mérigeau, journaliste et critique de cinéma au Nouvel Observateur. Aujourd'hui, Claude Chabrol. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être aussi nombreux. Je ne vais pas vous faire l'affront, ni à Claude d'ailleurs, de vous présenter Claude Chabrol. Simplement dire quand même que vous avez en face de vous 50 ans de cinéma, ce qui est quand même pas mal. Oui, oui, oui. Et que pendant le tournage de son dernier film, Bel Ami, qui sort à la fin de ce mois, avec Gérard Depardieu, Ne dis jamais dernier film. Nouveau film, j'ai dit. Nouveau film, j'ai compris dernier film. Non, jamais. Sur le tournage, il a célébré ses 50 ans de cinéma, je crois, et tous les membres de l'équipe portaient un t-shirt avec un titre de film. Alors, quel était ton t-shirt à toi ? Est-ce que tu l'as choisi ou est-ce qu'on te l'a imposé ? Non, on me l'a imposé d'une manière assez perfide et même perverse. Le mien, c'était La femme infidèle. Ça ne m'a pas plu du tout. Ça avait mis La femme infidèle, c'est quand même une drôle d'idée. Oui, non, je crois qu'ils l'ont fait exprès. C'est une idée de ma femme. Oui, oui je crois. Ouais. Alors, il y a 50 ans, tu vas présenter ton nouveau film à Berlin. Et 50 ans tout juste, après avoir remporté un Ours d'Or à Berlin, avec Les Cousins. Les Cousins, oui. C'est marrant parce que là, je vais à Berlin pour montrer le film. Hein. Il n'est pas en compétition. Et puis, comme toujours, quand on va en Allemagne, ils vous donnent une médaille. Alors, ils voient une médaille. Alors que pour Les Cousins, quand j'avais eu l'Ours d'Or, mais c'était vaguement truqué, enfin, parce que le président du jury était Bob Aldrich. Et Enfin bref, ça c'est des affinités. Et j'y suis pas allé parce que j'étais en train de tourner. Donc j'ai pas été ni à Berlin, ni pour toucher mon ours. Mais on me l'a envoyé, très bel ours, un objet d'art, très joli, lourd. Allemand. Oui. Et donc, quand je dis que c'est 50 ans de cinéma, en fait c'est un peu plus, parce que tu as commencé en cinéma avant de faire des films. Et c'est une des choses que tu m'as dites quand on a parlé de cette séance, de cette soirée, où je t'ai dit qu'il y avait pas mal de gens qui étaient dans les écoles de cinéma. Tu m'as dit, mais on n'apprend pas le cinéma dans une école. Ben, c'est-à-dire que... Bon, je ne veux pas non plus faire fermer les écoles de cinéma. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai problème. C'est que l'idéal, ça serait qu'on apprenne dans les écoles ce qu'il ne faut pas faire. Mais ça doit être possible d'apprendre dans les écoles de cinéma ce qu'il ne faut pas faire. Mais on ne peut pas apprendre ce qu'il faut faire, puisque chacun fait le film qu'il a en tête. Donc la manière de le faire ne peut être que personnelle. Finalement, je ne suis jamais allé ni à l'IDEC ni à la FEMIS. Mais je sais que le professeur de mise en scène, il y avait un professeur de mise en scène à l'IDEC dans le temps, c'est un type à qui j'aurais pas confié un court-métrage. Et alors c'est ça qui me fout la trouille. C'est que peut-être qu'on apprend aux gens peut-être trop la norme. Alors que ce qui est intéressant, c'est d'essayer de transgresser, pas de faire n'importe quoi, mais de transgresser certaines normes. Mais par contre, il y en a qui ne doivent pas être transgressées. C'est très compliqué, c'est une situation très compliquée. Moi, je crois qu'en voyant beaucoup de films, on finit par voir comment on a l'intention de faire les siens. En voyant les gens dont on se sent proche, les styles qui vous séduisent, les horreurs qui vous frappent, tout ça, on finit par se fabriquer son propre style. C'est un peu comme s'il y avait une école d'écrivains, ça se saurait quand même. Il y en a pas. Chacun se fabrique son propre style, je pense. Et en plus, dans le cinéma, ce qu'il y a de drôle, c'est que comme il y a une part de distraction, comme on dit, l'intrigue a une importance parfois considérable, enfin pour attirer les gens, pour qu'ils suivent. Des fois, ils suivent une pensée, des fois, il n'y a pas de pensée. Alors, des fois, ils suivent l'intrigue, en tout cas. Bon. Alors là, peut-être que dans une école, on peut apprendre à construire des choses, mais je me méfie aussi de ça. Il y a un petit détail, le cinéma allemand des années glorieuses de la fin du muet et du début du parlant, enfin jusqu'à 33, très exactement. Comme par hasard, était une chose absolument magnifique. Et ensuite, pendant le nazisme, c'est devenu quelque chose. Il y avait très peu de bons cinéastes. Et parmi les bons, ils n'étaient pas tous d'une grande rigueur morale, puisque parmi les bons cinéastes, il y avait quand même Vechterland, qui était l'auteur de Jussus, qui n'était pas un mauvais cinéaste. Il y en avait deux ou trois comme ça qui étaient pas mal. Mais ce que je veux dire, c'est que après la guerre, quand ils ont essayé de refonder un cinéma, ils ont utilisé un système qui a détruit le cinéma allemand pendant 20 ans, qui était d'utiliser ce qu'ils appelaient des dramaturges. Alors le dramaturge, c'était un type qui lisait le scénario et qui disait, oui, c'est bien, mais ça serait mieux, vous voyez, si à la troisième bobine, il y avait une scène de cabaret, parce que les gens qui ont envie de voir des femmes à poil pourraient être heureux, et tout ça. Alors, quelqu'un se mettait à faire une scène de cabaret comme ça. On fait un peu ça à la télé, maintenant. Il y a des dramaturges à la télé, et ces dramaturges sont parfois dramatiques, effectivement, et on le voit dans des téléfilms, même faits par des types talentueux, même avec des histoires, des scénarios intéressants, là, on a un peu l'impression qu'il y a des scènes obligées, enfin des passages obligés. Et ça, c'est apprendre à faire un scénario, souvent, c'est apprendre à passer par des passages obligés. Alors, à mon avis, c'est pas très bien d'apprendre à faire un scénario non plus. Et alors, tu écris sur des cahiers? Des cahiers d'écoliers, enfin des cahiers de oui, cinéastes. Oui. J'écris sur des cahiers, on n'a pas le droit de citer des marques, alors je vais citer celle-là, c'est Claire Fontaine. Un cahier Claire Fontaine, qui a, à petit carreau, qui a le grand cahier, hein, qui a un avantage formidable, c'est que la page, avec mon écriture, fait très exactement, en gros, en général, entre 1 minute et 1 minute 15. C'est-à-dire que je minutais mes scènes pratiquement d'avance. Donc je peux fabriquer le rythme même sur le papier. En plus, j'ai la veine d'avoir une femme technicienne qui est formidable pour le minutage, elle est scribe. Elle est formidable pour le minutage, elle me fait un minutage d'une précision formidable. Et je sais exactement au moment où je commence le film à peu près le temps qui va durer et le temps que chaque scène va durer, ce qui est très très avantageux. Il n'y a pas l'approximation, ne serait-ce qu'à l'écriture. Et je sais par exemple que si je suis obligé pour une raison ou pour une autre de faire un tunnel assez long dans une scène vraiment assez longue, assez lourde, dans un seul décor avec deux personnes qui se parlent immobiles, bon, c'est pas toujours rigolo. Ça m'apprend à quel moment il faut que l'un des deux se lève pour aller chercher quelque chose, pour briser un tout petit peu la... Et là, je le sais exactement. Alors, disons, entre la 50e et la 55e seconde, il va se lever pour aller chercher une tasse de café. Très bien. Ça aide beaucoup. Enfin, c'est au moins la partie rythme des films. Et tu écris sans rature, parce que dis-tu, sinon les ratures se retrouveront à l'écran. Voilà. Alors, mon drame, c'est que quand je fais une rature, j'arrache la page et je recommence. Et du coup, le film est plus court. Des fois, je suis obligé de prendre un deuxième cahier, mais c'est tout. Non, ce qu'il y a, c'est que j'ai l'impression, j'ai la sensation que si je rature sur la page écrite, cette rature va se sentir à l'écran. Et quelle est la fonction des virgules dans tes scénarios ? Oui, c'est que dans le temps, il y avait une chose qui se faisait assez volontiers, c'était ce qu'on appelait le découpage technique. Alors, le découpage technique, c'est vous faites le scénario, enfin la dramaturgie, comment on appelle ça, comme on veut, bon, vous faites votre truc, quoi, vos dialogues et ça, et à ce moment-là, il y a découpage technique. Alors, on voyait ça beaucoup dans les génériques jusque dans les années 50, découpage technique. Alors, découpage technique, c'était plan moyen, Michel se dirige vers le lit. Bon, plan rapproché, Hélène regarde Michel arriver sur le lit, et ainsi de suite. Alors, je trouve ça ennuyeux, je veux dire, ennuyeux à lire. Et si c'est ennuyeux à lire pour l'acteur, ça risque d'être un petit peu ennuyeux à jouer. Alors, autant faire un scénario presque comme un livre, même en respectant le principe des deux colonnes, si on veut, ça n'a pas d'importance. Colonne où il y a la description des gestes et colonne où il y a le dialogue. Mais ce qui est important, c'est que le malheureux comédien ne soit pas embêté avec PM, PR, PM. Alors, moi, j'ai un truc pour me fabriquer mon petit découpage technique sans que ça se voit et sans que ça gêne l'acteur, c'est de mettre des... telle virgule signifie un petit travelling dans ma tête. Hein. On peut très bien ne pas le faire, mais deux points, c'est peut-être qu'on change de plan. Ou des choses. Ça dépend. Hein, simplement, c'est des penses bêtes pour moi, pour me remémorer exactement la façon dont j'avais vu la scène. Alors, l'avantage de ça, c'est que quand vous commencez votre film, vous savez où vous voulez aller. Le désagrément, c'est qu'enfin, il faut éviter de faire en sorte que ça vous immobilise, c'est-à-dire que vous ne laissiez place à rien de... Il peut arriver des choses formidables, un rayon de soleil qui arrive, qui peut changer votre position de caméra ou même... Bon, tout ça, faut quand même l'ingurgiter au moment où ça arrive, mais c'est pas mal de savoir exactement où on veut aller. Alors, quand je parlais des découpages techniques, ça existe encore maintenant, mais d'une autre façon. Maintenant, c'est devenu des storyboards. Alors, on dessine le plan moyen, ou on a... Alors, je sais pas si les types qui dessinent fabriquent eux-mêmes le storyboard, ou si... Les deux cas se présentent. Ou si c'est le metteur en scène qui explique ce qu'il veut au storyboardeur. Mais si le mec n'a pas de mémoire, s'il ne se souvient pas de ce qu'il veut faire... Oui, ça me paraît une mauvaise idée. Mais en fait, on a l'impression que plus c'est préparé, mieux ça te convient, d'une certaine façon. Ce qui est un peu en rupture avec ce qu'on a raconté sur la nouvelle vague. Enfin, vous n'étiez pas tous dans ce cas-là. Non, on était presque tous dans ce cas-là, sauf le cas glorieux de Jean-Luc, qui lui était, parce qu'il avait le don pour ça. Moi, j'ai pas de don pour l'improvisation, c'est pour ça que j'en fais pas. C'est plus commode. Mais encore maintenant, il y a beaucoup de types qui trouvent que ça fait bien d'écrire la nuit et ils donnent les feuilles aux acteurs le matin. Ouais, bon, déjà... Non, je ne suis pas un dénonciateur. Mais si on a vu les films, c'est intéressant. Ouais. Mais non, mais il y a des films, des fois, extrêmement travaillés, qui sont comme ça. Beaucoup de films de Rivette sont faits au fur et à mesure, comme ça. C'est pour ça qu'il a un mal fou à faire des ellipses, Rivette. Il y a une espèce de volonté d'être sur la longueur tout le temps, parce qu'il est souvent fait au coup par coup. Jean-Luc, c'est un peu différent. Jean-Luc laisse aller son imagination au jour le jour. Alors donc, il a une, à mon avis, le plus souvent vague idée de l'ensemble du film, et il se construit au fur et à mesure avec. C'est une solution qui lui convient. Moi, elle me foutrait une trouille absolument épouvantable. On va voir un premier extrait de ce qu'on a choisi de te montrer en tant qu'acteur. Ouais. En tant qu'acteur, oui. Aussi. Oui. Quand même. C'est ma vocation rentrée. Ouais, bien sûr. Mais c'est un film que tu as aussi réalisé, puisque c'est La Muette. À La Muette, oui. Qui est un film, un extra, enfin, un sketch, comme on disait, oui, à l'époque. Oui, c'est un sketch. Du film Paris vu par. Oui, c'est ça. Ça s'appelle. Je l'avais appelé. J'avais choisi La Muette parce que c'était l'histoire d'un gosse qui se met des boules quièces dans les oreilles. Alors. C'est pas mal vu. Non. C'était un film de 1965, c'est-à-dire que tu avais déjà réalisé une dizaine de films à ce moment-là. 65, oui. Je sais que mon 13e film, c'était en 67. Donc, c'est ça. Et une scène dans laquelle on va retrouver Stéphane Audran. Voilà. Et moi, j'espère. Et toi, bien sûr. C'est très court. Cool. Moi, je suis pour la peine de mort. Ah, moi, je suis contre. Même. Pas tout de même. Non, moi, je suis contre. Il n'y a pas de raison de condamner. De quel droit on se permet de condamner des gens ? Moi, tiens. Ils ont tué, ils sont tués. Pas le... Non. Quelqu'un qui a tué, vous le supprimez. Non, moi, je trouve qu'il faut... Il faut essayer de les mettre dans des maisons de redressement. Il faut essayer de leur... Quand tu dis dans 60 ans, tu ne veux pas les mettre dans des maisons de redressement. Je te dis. Ou alors dans certains cas. Dans certains cas, pour faire l'exemple. Et là, je suis d'accord, tu vois. Les traîtres. Ou pas tant. Ou alors les. Par exemple, les gens qui kidnappent les petits-enfants, je trouve ça révoltant. Alors là, la peine de mort. Ouais. Oui, ça, ils ont 20 ans, quoi. Si t'arrives. Tu avais déjà la conviction que moins il y a de plans, mieux c'est. Ah oui, ça bien sûr. Je voulais pas faire des gros plans de grimaces, ça suffisait déjà. Et puis ce qui était amusant, c'était les trois tables, quoi. Le gosse entre les deux, enfin le gosse au milieu. Pourquoi t'as eu envie de jouer le rôle ? Ça m'est venu tout de suite. Je sais pas. Je trouve c'est un personnage que je chantais très bien. Oui, non, je trouvais ça assez marrant, ce type qui s'empiffre pendant de la peine de mort, j'aimais bien. S'empiffre de salade. C'est dégoûtant. Oui. Alors, bien sûr, La Muette, ça se passe à Paris, mais sinon, tu es plus un cinéaste de la province. J'aime beaucoup toi, mais c'est parce que j'ai une petite prédilection pour les tournages en province que je trouve plus agréable. Enfin, pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est plus facile de se déplacer qu'en province qu'à Paris. Et la deuxième, ça c'est une petite raison, mais la grosse raison, c'est que j'aime bien que le tournage du film forme un tout, c'est-à-dire soit une espèce de voyage ensemble avec les comédiens, les techniciens et tout ça. Et quand on tourne à Paris, les gens rentrent chez eux, hein. Le soir, ils retrouvent leur famille, et puis le lendemain, ils reviennent au boulot, c'est un peu comme l'usine. Quand on va tourner en province, on reste pratiquement ensemble, on est pratiquement dans le même hôtel, on bouffe ensemble. C'est plutôt la croisière. Alors, vous demandez aux gens s'ils préfèrent faire une croisière ou aller en usine. La réponse est, on préfère faire la croisière. Et ils ont raison, d'ailleurs. Et c'est pour ça que j'aime bien tourner en province. C'est une des raisons. Mais l'autre raison aussi, c'est que c'est vrai que ce qu'Antonioni ressentait, c'est que dans les grandes villes, la difficulté, c'est la communication. Bon. Moi, je suis pas expert là-dedans parce que j'ai pas de problème de communication avec les gens en général. Donc, l'incommunicabilité, il a fallu Antonioni pour m'apprendre ce que c'était. Mais, par contre, en province, ce qu'il y a de formidable, c'est que c'est le contraire. C'est-à-dire que la communication, il n'y a pas trop de problème. Le problème, c'est la vie privée, c'est-à-dire le fameux jardin secret, enfin, voilà, de pouvoir garder son quant à soi, et ce qui implique une hypocrisie encore plus grande que dans les villes. Le seul endroit dans les villes où il y a une hypocrisie immense, c'est amusant d'ailleurs, c'est par exemple à l'Assemblée nationale, parce que c'est un lieu fermé, l'hypocrisie est forcément énorme. Bon, parce que c'est un lieu fermé que les gens sont là. Des gens qui ont des idées complètement opposées se tapent sur le ventre avec un verre de Bordeaux. Et alors, ça serait intéressant. Mais en France, c'est pas une tradition de faire des films là-dessus. En province aussi, les choses sont pas plus figées. C'est-à-dire que les comportements... Alors oui, alors c'est ça. Alors les choses sont plus figées et ce qu'on appelle la mode, qui est une chose qui me fait toujours très peur de faire un film mode. Alors, ce qu'on appelle la mode à Paris, ça va très vite en 2-3 ans, 4 ans, 5 ans maximum, les modes disparaissent. Et en province, c'est plus lent. Même maintenant, avec la télé et tout ça, la télé a permis de rattraper du retard sur l'ensemble des choses que l'on peut avoir, que l'on peut posséder, de confort ou de choses comme ça. Mais ça n'a pas accéléré leur manière d'évoluer. Ça évolue plus lentement. Et ça m'intéresse aussi beaucoup. Il y a quelques jours, je voyais les Noces Rouges. Et à la fin, les Noces Rouges, c'est assez étonnant. Ils viennent d'être arrêtés. Ils se font arrêter tous les deux. C'est dans la voiture. Et on voit là un plan de leurs mains menottées, et le flic leur dit « Mais pourquoi vous n'êtes pas parti ?» Et ça leur est pas venu à l'idée. Mais ça, c'est vrai. Hein, c'est les Noces Rouges est une adaptation libre, comme on dit, très libre vraiment, d'une affaire qu'on appelait les Amants diaboliques de Bourganeuf. Et alors c'est marrant parce que quand j'ai vu ces Amants diaboliques, je me suis souvenu que je connaissais la bonne femme, moi. Elle était quincaillère, j'avais été acheter je sais pas quoi, un truc. Parce que en Creuse, Bourganeuf était à 15 km de l'endroit où je tournais le beau Serge. Et quand j'ai vu cette histoire, je me suis dit, c'est vraiment typique. Quand ils ont été arrêtés et ça, on leur a effectivement dit pourquoi vous n'êtes pas partis tout bêtement au lieu de tuer vos conjoints comme ça. Et ils n'y avaient pas pensé. Oui, c'est... C'est un film, comme beaucoup de tes films, qui montre comment les gens se détruisent. Oui, bien sûr. Mais en l'espèce, ils détruisent aussi les autres, d'ailleurs. En général, quand on se détruit, on détruit au moins partiellement d'autres. Oui, c'est le drame. On va parler un petit peu de mise en scène, si tant est qu'on puisse en parler. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a une rigueur chez toi, dans ton cinéma, que tu caches derrière plein de choses. Quoi. C'est-à-dire, il ne faut pas que ça se voit. Quoi. Ben non, parce que... Parce que rigueur rime, ça ne fait que rimer, hein, ça ne s'identifie pas. Mais ça rime avec froideur quand même. Donc il faut faire attention que cette rigueur soit compensée, c'est-à-dire que ça soit une espèce de colonne vertébrale et mettre quand même de la chair autour. Mais que la colonne vertébrale soit là, que ça n'aille pas. Alors il y a aussi une chose que j'aime pas, c'est les caméras qui font les malignes. Enfin, ouais. C'est-à-dire, regardez ce que je sais faire, zut, on monte au plafond. Des cinéastes formidablement doués me gênent parfois parce que ils se croient obligés de prendre un hélicoptère pour faire traverser un champ à une fille. Et ça me gêne, hein, parce que c'est pas obligatoire. C'est ce que disait Mankiewicz, quand on voit le mouvement d'appareil, c'est que le type s'est trompé. Bien entendu. Et Mankiewicz savait de quoi il parlait parce que, effectivement, c'est une des choses qu'on... Le mouvement de l'appareil chez Mankiewicz, c'est très, très subtil, c'est aussi élégant que lui, et ça ne se voit pas. Pour moi, l'idéal, c'est que la sensation au cinéma passe d'abord par la tête. C'est-à-dire que si c'est une sensation pure, bon, on peut faire des choses marrantes avec des films d'horreur et ça, mais pourquoi est-ce que les gens aiment tellement les vieux films de Jacques Tourneur du temps de Van Newton, là. Cat People, tout ça, c'est que justement, la terreur passait par le cerveau. Et, rien d'horrible dans les films. Il n'y avait rien d'horrible. Et ça faisait d'autant plus peur. Il n'y avait pas de choc. Hein, il n'y avait pas de choc émotionnel. Il y avait un choc mental, pratiquement. Et ça, c'est quand même plus intéressant, plus fort. Et j'avoue que je reproche un peu, pas à tout le monde, hein, mais il y a quand même un certain nombre de cinéastes actuels qui ont tendance à travailler dans le coup de poing, quand même. Alors, sur le plateau, tu donnes l'impression que tout est facile, ce qui correspond à ta personnalité. C'est pas très difficile. Ça, c'est pas très difficile. Mais ce qui est amusant, c'est que les cinéastes de la rigueur, en général, sur les plateaux, n'étaient pas des gens très marrants. Par exemple, je pense à Fritz Lang, qui est une de tes références. Oui, alors c'est ça. Alors, Lang était très... Sur le plateau, était très environnant. C'est-à-dire que... Mais ça, c'est peut-être son côté germanique, au départ. Hein. Bon, c'était pas un rigolard, le père Lang. Chaque fois que je l'ai vu, on rigolait pas tellement. Sur les plateaux, on rigolait pas non, tellement, non, je crois. Non, était très, très sérieux. Et je crois qu'il aurait pu obtenir le même résultat avec moins de... rigidité. Bon. Mais en même temps, il faut reconnaître que les films eux-mêmes n'ont pas de froideur. Hein. Ils ont, c'est comme de l'acier, mais pas de l'acier froid. Hein. C'est très, très impressionnant pour ça. N'empêche que son dernier film américain, L'invraisemblable vérité, c'est ça. Bravo. Alors, je vais faire péter ma science aussi. Beyond a Reasonable Doubt, bon, est un film qui est, à mon avis, un peu trop décharné. Alors que le précédent... Hein, voilà. Lui avait plus de charme et était plus, bon, avait plus d'éléments... J'ai l'impression que la rigueur, tu la planques sous des apparences agréables. Tu la planques et tu la fais mais passer comme ça. Je crois que c'est possible d'être rigoureux et d'être... Enfin, je veux dire, un type comme Lubitsch avait sa forme de rigueur. Ce n'est pas la même que celle de Lang, mais il avait sa forme de rigueur. Et il était, paraît-il, agréable au tournage. Il y a chez toi un plaisir de la scène. On rejoint un petit peu l'autre pôle de la nouvelle vague qui était Renoir, d'une certaine façon. Oui, c'est ça. Alors, c'est un mélange. L'idéal, mais c'est pas un hasard, mais les deux pôles absolument opposés du cinéma et des formes de style au cinéma, Dieu sait, c'est Renoir d'un côté et Lang de l'autre. Or, il se trouve que Lang est la seule personne qui a fait deux remakes hein, de films de Renoir. Tous les deux intéressants, à mon avis, tous les deux moins réussis que La bête humaine, et que La chienne, mais quand même des films intéressants. Et d'autre part, Renoir a essayé de faire un film languien qui s'appelait La femme sur la plage. Il a repris la même actrice, d'ailleurs. Où il a repris la même actrice, où c'était vraiment une c'était presque comme si t'as voulu m'imiter, moi aussi, et il s'est également cassé la gueule. Enfin, c'est cassé la gueule, entendons-le. Pas selon Romère. Non, c'est assez magnifique quand même. Mais bon, c'est quand même pas... Bon, je dois dire que c'est un film qui est un peu massacré par son producteur. Nous sommes c'est aux vrai. États-Unis et on ne fait pas ce qu'on veut. C'était La femme sur la plage. C'est La femme sur la plage. Ou Man of the Beach on the Beach. On va voir un autre extrait de... Mais dans tes films, cette fois-ci, on va voir un extrait de La cérémonie où on va retrouver un peu Renoir, parce que c'est une scène de repas où on passe du monde des maîtres au monde des domestiques, c'est-à-dire à la cuisine. Et c'est une scène dont on va parler après, mais qui est intéressante, j'attire un petit peu l'attention. C'est une scène filmée, c'est une scène très normale, ce que tu filmes est normal, donc tu le filmes de façon, disons, ordinaire, avec des toutes petites choses bizarres qui entrent dans le plan, c'est-à-dire un petit vide dans le plan, ou bien un temps un peu déséquilibré sur quelque chose pour créer une sorte de... Ce ne sont pas des erreurs de montage. Voilà, c'est ça. Donc on va voir ce plan et on va en parler un petit peu après. C'est une façon d'insinuer le doute dans l'esprit du spectateur. Vous avez fait la jambe, madame? Bien sûr, madame. Je vous l'apporte tout de suite. Merci. Alors, elle est bien. Écoute, jusqu'à maintenant, elle était épatante. Je croise les doigts. En tout cas, tout est rangé et la cuisine est simple et bonne. Ouais. Et toi, elle te plaît, le gastronome? Ça va, ouais. Vous la mettez au milieu de la table, comme ça on se servira. Bien, madame. Il faudra peut-être quand même la prendre à ce moment. Elle sait certainement, il ne faut quand même pas lui faire passer un examen. Alors on part quand, papa? Le bateau sera à Bonifacio à partir du 20. Mais je m'occupe des billets d'avion. J'espère qu'on ne va pas encore se recaler comme l'année dernière. On peut prolonger si vous voulez. Oh non, moi je vais aller chez mon père. J'ai un copain qui fait une fête pour son anniversaire, ça va être génial. Et Sophie, elle part aussi? Bah non, elle vient à peine d'arriver. Je ne sais même pas si elle saurait où aller. En tout cas, on n'est pas envahi par son entourage. Pas une lettre, un coup de téléphone. Heureusement qu'elle a la télé. Fais attention, les enfants. Ce poulet a l'air succulent. Vous l'abrutissez exprès avec cette télé qu'elle a dans sa chambre. Ah non, bon. Non, mais moi, je suis soulagée. Je n'ai plus rien à faire. Je n'ai même pas à lui faire la conversation. Là, vous la laissez croupir, oui. C'est un être humain, pas un robot. Quoi pas que tu exagères un peu. Alors tous ces petits, ce que j'appelle les petits vides, les petits trous, oui. Les petits, c'est des choses auxquelles tu penses dès le scénario. Oui, il y avait deux choses importantes. C'était que le cadavre, enfin bon, le poulet, les choses coupées, c'était déjà. Il va falloir lui apprendre à servir. Bon, ouais. Et puis surtout, peu à peu, ils font comme si elle n'était pas là. C'est-à-dire que qu'elle soit là ou qu'elle ne soit pas là, ils continuent à parler d'elle de la même manière. C'est-à-dire que c'est... Et elle, quand elle n'est plus à l'écran, elle n'est plus là, pour le spectateur non plus, qu'eux, ils continuent d'être là, puisqu'on les entend. Bien entendu. Alors à la fin, il n'y a plus personne, et en même temps, on sait qu'elle est là, et qu'eux sont là aussi, mais c'est eux qu'on entend, bien entendu. C'est pas elle. C'est une fausse normalité en plus parce qu'on apprend dans la scène. Oui, mais on est obligé. Bon, on va pas souligner des choses. On apprend que le fils n'est que le fils d'elle et pas de Jean-Pierre. Bon, et ainsi de suite. Mais bon, ça c'est pour la compréhension de l'intrigue, mais c'est pas pour la compréhension des rapports. La compréhension des rapports se fait en dehors des dialogues, ou quand c'est les dialogues, c'est la place des dialogues, la manière dont les dialogues se présentent, ainsi de suite. Ben c'est à vrai dire, c'est pour moi c'est ça la mise en scène. C'est-à-dire que disons que dans presque tous les films, il y a une intrigue. Qu'il faut montrer aux spectateurs, qui leur permet de suivre, de s'intéresser au personnage, il y a une intrigue. Bon. Alors cette intrigue, disons que le scénario l'a construit et que la mise en scène ne doit pas la contrarier, c'est-à-dire doit aller dans cette direction. Mais ça ne suffit pas, parce que si on ne fait que ça, que cela, on ne fait que suivre l'intrigue. Alors que ce qui est intéressant, c'est, en général, les personnages, savoir ce qu'ils ont dans la tête, pourquoi ils font ça... Pourquoi, même à l'intérieur de cette intrigue, ils vont dans telle ou telle direction. Et ça, on ne peut le faire que par des détails de mise en scène, qui sont sensibles ou pas sensibles, plus ou moins sensibles, mais que si on les multiplie, finissent par prendre sens presque obligatoirement pour les gens. Et. Il y a ce plan très étrange de Sandrine dans la cuisine, le seul plan où elle est assise, oui. Qui est un plan très étrange, peut-être parce qu'elle est assise à une table rectangulaire en bout de table, oui. Et que le plan commence sur par un léger panoramique, sur quelque chose de rond, une autre table ronde. Oui. Et cette brisure-là crée un effet étrange. Oui, c'est ça. Ben, ça, c'est ces petits détails. C'est-à-dire que dans le film, là, la lutte entre ce qui est circulaire et ce qui est carré... Bon, je l'utilise beaucoup, mais en même temps, j'en fais pas une maladie. C'est-à-dire que bon, je martèle pas le signifiant, comme on dit. Ça reste dans les limites du raisonnable. Oui, mais quand même, il faut bien que. Alors, je vais parler d'un film que personne n'a vu encore, enfin, sauf toi. Mais c'est le prochain. C'est que là, je suis allé un petit peu plus loin. C'est que l'intrigue est un élément un peu à côté du film. C'est-à-dire que le film se déroule à la fois selon l'intrigue et selon une autre chose qui n'est pas complètement visible. Et c'est ça la combine, quoi. Alors, où je me suis, bon, je me suis amusé, enfin, amusé, non, c'est assez compliqué à faire, mais c'est là, c'est que, alors, une partie de l'intrigue est un élément policier, bon, qu'on pourrait penser imaginaire, alors qu'en réalité, c'est l'adaptation, là aussi un peu libre, mais enfin quand même, d'un fait divers réel. Et les éléments les plus extravagants de ce fait divers sont vrais. Bon. Alors, ça, c'est déjà amusant que le fictif soit le réel, mais ce qui est drôle, c'est que ce qui est réel dans le film, ce que j'ai essayé de rendre réel, et bon, je crois que j'y suis arrivé à plusieurs, grâce à ces gens étonnants et Gérard en particulier, bon, c'est la réalité des personnages, et eux sont fictifs. Hein, puisque c'est... Alors voilà, alors le vrai est fictif et le fictif est vrai. C'est vertigineux. C'est vertigineux. C'est ce qu'on appelle dans les bons journaux la mise en abîme. Voilà. Alors, l'autre jour, je parlais avec Benoît Magimel, qui est un acteur avec qui tu as travaillé, tu as tourné plusieurs films. J'aime beaucoup. Il t'aime beaucoup. Ah ben, réciproque est vrai. Et donc, il venait de tourner avec Barbet Schroeder, oui. Qu'il aime beaucoup aussi. Oui, il a raison. Ouais. Et il m'a dit cette chose très étrange, c'est que Barbet Schroeder et Claude Chabrol sont les deux seuls cinéastes qui se préoccupent du spectateur quand ils sont sur le plateau. Ah oui. Ouais. C'est-à-dire que vous deux, ce qui me paraît assez logique, vous demandez quel va être l'effet produit sur le spectateur si on fait ceci ou cela. Oui, bien entendu. Il faut quand même que on travaille pour être vu, si possible pour être apprécié et si possible pour être compris. Donc il faut tendre la main un peu. Si on essaie d'enfoncer les trucs à la schlag, ça marche pas. Ça, c'est le côté germanique un peu. Lang, c'était terrible. C'était. Mais enfoncez-vous bien ça dans la tête. Il a réussi aussi très souvent, le plus souvent. Donc ça ne veut rien dire. Mais il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de loi. Ça dépend à la fois du tempérament de celui qui fait le film, de ce qu'il raconte. On est tous comme on est. Mais dans le cinéma, ce qu'il y a de beau, c'est de. Bon, j'aime pas le mot, mais enfin, c'est de transcender l'intrigue quand même et d'essayer d'exprimer ce qu'on a envie de dire. Moi, je suis passionné par la nature humaine, c'est ça qui m'intéresse. J'essaie de faire passer la nature humaine sur du celluloïd, c'est ça le truc. Et l'intrigue, en fait, t'intéresse l'intrigue, ça de sert. Moins en moins. Non, mais l'intrigue, ça sert à montrer des personnages. Et c'est pour ça que j'étais assez content de cette combine qu'on avait trouvée pour Bellamy, pas de séparer l'intrigue, mais quasiment. Une question que je ne t'ai pas posée tout à l'heure quand on parlait du scénario. Comment tu travailles tes films? Tu les écris souvent en collaboration avec un ou une scénariste? Oui. Comment est-ce que vous partagez les... Alors, ce que je ne fais jamais, c'est le... Parce qu'on l'avait fait une fois, au tout début, avec Jégoff, Paul Jégoff, qui était un grand ami et mon scénariste, avec qui je travaillais beaucoup. On avait tenté une adaptation de L'Amiel de Stendhal. Et un producteur nous avait offert, parce qu'à l'époque, c'était encore à cheval entre le cinéma moderne et le cinéma d'antan. Dans le cinéma d'antan, les scénaristes, avec le metteur en scène, allaient dans une auberge loin de Paris, aux frais de la production, et écrivaient leur scénario. Quand ils revenaient, leur scénario était fait. Alors, c'est ce qu'on nous a proposé. Donc, on est allé... à Honfleur, je me souviens plus comment s'appelait la truc, mais enfin c'était là où allait tout le monde, Janson, Orange, tout ça. On est allé avec Jégoff, là, on s'est avec des filles en plus. On s'est bien marré, c'était bien. On a bien mangé parce que c'était très bon. On a bu pas mal. Tu m'étonnes. Et à l'arrivée, on n'a pas écrit une ligne. C'est-à-dire que on y restait un mois. On a lu L'Amiel, ouvrage inachevé, et nous avons fini en arrivant. On a dit au producteur, voilà, écoute, franchement, on va te dire, on va te faire gagner énormément de pognon, parce que Stendhal, qui n'était pas un con, n'a pas fini L'Amiel, c'est pas nous qui allons le terminer. Et ça a marché. Jean Aurel a fait le film, lui. Hein? Jean Aurel a fait le film. Jean Aurel a fait un film. Il aurait peut-être pas dû, d'ailleurs. Non, mais ça, faut dire que c'était... Bon, c'était une forme d'escroquerie, mais les producteurs donnaient vraiment les verges pour se faire battre, parce que les autres m'ont dit, aussi bien Janson qu'Orange qu'on voyait là-bas, qui faisaient semblant de travailler aussi, eux, ils restaient 3 mois, quoi, au lieu de... Nous, on a été honnêtes, on est restés 1 mois, et au bout de 3 mois, ils revenaient à peu près avec la même chose, en disant, je ne sais pas si c'est une bonne idée... Par la suite, alors on a changé de truc. Je fais travailler d'abord. Bien entendu, je dis qu'on va faire ça, blablabla. Elle dit oui, bonne idée, blablabla. Alors c'était valable avec Gégoff et c'est valable avec les filles maintenant. Parce que Odile ou Caroline Eliachev, à un moment, Cécile pour le l'avant-dernier, etc. Bon. Alors, j'aime bien les femmes comme co-scénaristes parce que je suis un homme. Non, je veux dire que les personnages féminins auront au moins un minimum de vraisemblance par rapport à un œil féminin, alors que si c'était que des mecs, on est obligé d'aller en tâtonnant. Enfin, on ne connaît les femmes que de ce qu'elles veulent bien nous faire connaître. Donc, tandis que les femmes, elles savent des trucs. Donc, les personnages féminins sont plus intéressants quand ils sont pas entièrement faits, mais au moins dégrossi, si j'ose dire, par des scénaristes femmes. Alors donc, j'aime bien travailler avec toutes parce que ça m'aide vraiment à composer les personnages féminins. Alors voilà, c'est comme ça. Ce qu'il y a, c'est que je suis obligé d'écrire la totalité du scénario. Même quand je recopie des scènes, je suis obligé de réécrire la totalité du scénario je le répète, cahier Claire Fontaine... à petit carreau. 96 pages, c'est ça, non ? 96 pages. Les 96 pages font 1h45. Tu as une autre particularité, c'est depuis quelque temps, je crois, de ne jamais repérer les décors. Oui. Et donc de les découvrir au moment de tourner. Alors, ça, c'est autre chose. J'en arrive à ne plus vouloir voir les décors. Je prends des décorateurs en qui j'ai confiance, bien entendu, et je explique en gros ce qui me convient. Mais en gros seulement. Et ce que j'aime, c'est de voir les personnages tels que je les ai imaginés. J'imagine pas trop les décors, sauf par exemple, là, la maison, dans la cérémonie, j'étais obligé de demander des choses très précises, mais sinon, non. Alors, quand on n'a pas vu le décor, on arrive là-dedans et tout vous paraît limpide au moment où vous entrez. Vous dites, c'est évident. Et c'est même évident la façon dont on trouve presque des raisons pour lesquelles les gens agissent, parce qu'ils se trouvent dans cette maison-là. Alors le rôle du décor, qui est souvent abstrait, finalement, là, il devient réel, parce que je le ressens en même temps. Mais ça, c'est personnel. C'est pas une master conseil. C'est pas... Tu as une autre particularité, et puis après on arrêtera avec les particularités peut-être, c'est que de la musique qui est souvent composée par ton fils, oui. Mathieu, la musique est composée non pas sur film mais sur scénario. Oui, alors, ça c'est depuis que je travaille avec Mathieu. Son idée c'est que malgré tout il serait influencé par l'image elle-même, c'est-à-dire que quoi qu'il en fasse, il aurait tendance à faire du synchronisme, de la redondance, et des choses comme ça. Et il dit que c'est mauvais, que pour lui, la musique de film, c'est justement, ça aide vaguement à donner à aider à aller dans la bonne direction, mais sans plus. Et ça me faisait penser à cette admirable phrase de Bette Davis, qui tournait pour la Warner, et à la Warner Bros, il y avait un musicien qui s'appelait Max Steiner. Quand quelqu'un prenait son verre d'eau et lui comme ça, on entendait non non non non non non non. Bon, il aimait ça quoi. Et on lui dit alors, Betty, vous allez monter l'escalier en courant. Est-ce que ça... Il a dit oui avec plaisir, à condition que Max Steiner ne le monte pas en même temps que moi. Eh ben, c'est très joli et ça donne à réfléchir parce que c'est vrai que c'est ridicule. Pam pam pam. Bon, non, c'est absurde. Non, mais c'est vrai. Donc, je t'ai vu quelquefois au montage. Il se peut qu'une séquence musicale prévu pour une scène, oui, passe sur une autre scène. Ah oui, ça arrive. Mais ça arrive pas seulement chez moi. Ça, oui. ça arrive assez souvent. Mais oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, il ne prévoit pas des séquences pour des scènes. Il prévoit un certain nombre de moments qui peuvent s'enchaîner, plus ou moins. Note ceux qui peuvent s'enchaîner et ceux qui ne peuvent pas. Et à partir de là, je les place comme je l'entends. Et j'aime cette méthode-là. Je trouve que c'est... c'est toujours pareil. Il y a de formidables musiques de films qui sont des musiques qui sont faites presque à la Moviola à l'époque, image par image. Mais moi, j'aime bien ce système, justement parce que ça évite... Ça évite la redondance sonore qui est toujours désagréable. Alors, c'est vrai que tu ne joues pas au metteur en scène, mais il t'arrive de jouer, t'es arrivé en tout cas au moins une fois, de jouer un metteur en scène, du moins un réalisateur. Ah, oui, mais alors attention. Alors, j'ai joué et effectivement incarné un réalisateur, mais un réalisateur particulier, puisque je suis obligé de dire que c'est un réalisateur de films porno. Alors, c'est... Donc, on va voir cet extrait. Le film de Jacques Brel, Polar, qui est un film de 1984. Ouais. C'est d'ailleurs la seule scène que tu es dans le film. Je crois, non, il y en a peut-être une autre. Non, j'ai une apparition le long d'un mur. Oui. Et tu... En tout bien, tout honneur. Ton personnage se nomme Théodore Lysenko. Oui, Théodore Lysenko. Qu'est-ce qui se passe, merde ? Y a rien ! Dans les câbles. Je voudrais voir Monsieur Lysenko. Est-ce que ça va te gêner, la cheminée, hein? Les tulipes, je les avais demandées rouges, elles sont jaunes, nous tournerons avec des tulipes jaunes. Bon. Pardon, s'il te plaît, la lumière. La lumière, quand c'est fini, j'aimerais qu'on voit les ombres de fer. J'appartiens pas à la police. Croyez pour qui? Pour personne. Ça vous rapporte quoi? Rien. Il y a une chose qui m'échappe. Qu'est-ce qui m'oblige à répondre à vos questions? Rien. Vous savez que je suis un homme très occupé, monsieur Tarpon. Vous avez un nom de poisson. Est-ce que tu aimes bien jouer les salauds ou est-ce qu'on te propose que non, ça? Bien sûr que j'aime bien jouer les salauds ou Saint-François d'Assise, peut-être, mais on ne me l'a jamais proposé. Non, mais là, le type est innocent, hein, et enfin... Oui. Bon, la seule chose, c'est qu'il a sauté la morte, c'est ça, d'après oui, ce que oui, j'ai voilà. cru comprendre. Oui, bon, c'est pas bien grave. Non, mais là, ce qui a été bien, c'est que ça a conforté mon amitié avec Jean-François Balmer. Mm-hmm. Et dans un autre film, nous vivons ensemble, nous formons un petit couple. Bon. Oui, dans un film de Virginie Thévenet qui s'appelle Ça me suffit, oui, on fait un petit couple. J'avais oublié. Très bien. Et tu l'as employé dernièrement dans l'Ivresse du pouvoir. Oui, c'est où il sûr. Était... J'utilise souvent, oui, mais c'est un acteur étonnant. C'est le seul Suisse qui sache vraiment faire des grimaces. Il est formidable. Mais est-ce que, à propos des acteurs, est-ce qu'une fois que l'acteur est choisi, le plus gros du travail n'est pas fait? Oui, le plus gros du travail est fait. Moi, j'ajoute un petit détail, c'est que je l'invite à bouffer. On va manger, et pendant qu'on mange, je vois comment il mange, je vois ce qu'il mange. Et à partir de là, je prépare ma direction d'acteur. Oui. Tu as des exemples ? Oh oui, par exemple, pour Benoît Magimel, que je connaissais mal, on a déjeuné ensemble et je me suis dit, bon, ben non, il va falloir aller comme ci et comme ça. Et ça a bien fonctionné. Il était heureux. Et toi aussi ? Et moi, oui, moi aussi. Oui, oui. Il y a toujours une grande fidélité de ta part. Tu as eu la période, Stéphane Legrand. Avec les comédiens. Oui, avec mais les oui, comédiens. Parce que pour une raison très simple, c'est que quand vous vous entendez bien avec des gens, il n'y a pas de raison d'aller en chercher d'autres quand ils peuvent incarner des personnages. Et en plus, la troupe s'agrandit sans arrêt, donc ce n'est pas un lieu clos. Alors quand je m'entends bien, formidablement bien avec des comédiens, je les reprends. Il n'y a qu'à voir les comédiens que j'ai fait tourner plusieurs fois, alors je m'entends très bien avec eux. Mais ceux que je n'ai fait tourner qu'une fois, ça, il peut arriver que je les ferai retourner dans peu de temps. Mais Est-ce que c'est plus vrai depuis que tu te détaches un peu de l'intrigue, comme tu disais tout à l'heure, pour te concentrer sur les personnages? C'est plus vrai maintenant qu'avant. Oui. Bah, Oui, c'est-à-dire que je me suis aperçu que, bon, dans mes années glorieuses, là, dans les années 60, 68, un truc comme ça, là, je me suis aperçu que j'avais tendance à revenir toujours aux mêmes acteurs. Pas toujours dans des rôles assez proches les uns des autres, mais à revenir toujours aux mêmes acteurs. Et je crois que ça vient du fait que, même dans des personnages différents, on établit des continuités de sentiments là, qui correspondent à ce qui vous intéresse à une époque déterminée, quoi. Et c'était très évident à l'époque. Par exemple, j'adorais faire tourner Michel Bouquet à l'époque, au moment de l'époque Pompidou, parce que je trouvais qu'il représentait exactement ce mystère formidable pour eux-mêmes, hein, plus que pour nous, de gens bons bourgeois bien assis, qui se trouvaient dans un univers qui leur convenait parfaitement, bons bourgeois bien assis, et qui étaient malheureux. Ils ne comprenaient pas. Pourquoi sommes-nous malheureux? On devrait être heureux. On est exactement, on a le pognon, on a machin, on est malheureux pour des bêtises en plus. Alors ça les rendait fous. Et ça m'intéressait beaucoup. L'ami Bouquet était formidable pour ça, pour incarner ce genre de type qui ne comprenait pas pourquoi il n'était pas heureux. Avec Isabelle Huppert, je sais pas, vous êtes sur les 6 ou 7 films maintenant, je crois. Ensemble. Maintenant, on doit être à 7. Oui, oui. C'est ça. Elle a cette capacité de mettre une intensité très grande dans le jeu, et en même temps d'être à distance. Oui, ça n'empêche pas ça. Mais justement, non. Je veux dire, elle est très bien parce qu'elle est rigoureuse, elle aussi. Donc ça fonctionne très très très bien. Au moment de la cérémonie, je lui ai donné à choisir entre les deux rôles. Bon, elle voit les deux rôles et je souhaitais qu'elle joue la postière. Mais en même temps, c'est vrai que le rôle de Sandrine, de l'analphabète Jeanne, là, était plus. D'abord, c'était l'héroïne, c'était censé être l'héroïne. Elle était la complice, enfin, était l'illustration, l'accomplissement. Enfin, bon, c'était pas le centre du truc. Et elle a choisi immédiatement le rôle de la postière. Pourquoi a-t-elle choisi le rôle de la postière? Parce qu'elle m'a dit, j'ai l'impression que le rôle qu'a joué Sandrine, je l'ai déjà joué. Donc j'aurais tendance à aller dans des ornières, et tandis que ça c'est complètement nouveau. Et ça c'est très très chouette de la part des comédiens, assez rare. Ils aiment bien se retrouver dans ce qu'ils ont déjà fait. Et en même temps, ils ne sont pas aidés par beaucoup de scénaristes qui. Enfin maintenant ça va un peu mieux, mais pendant très longtemps, j'avais des gens. J'en parlais avec un type qui était justement un des coupables, qui était Michel Audiard. Qui disait, j'en ai marre, on me demande encore de faire un truc avec Lino, et on veut que je fasse du Lino, alors que j'aurais envie de lui faire autre chose. Mais non, il n'y a rien à faire. On fabrique une routine. Vous allez me faire un bon Ventura, mais qu'est-ce que ça va raconter? Eh, Ventura, le machin, il est costaud, voilà, c'est terrible. Et les comédiens eux-mêmes ont fini par s'en rendre compte et aiment bien réellement varier les. Si Isabelle avait choisi l'autre rôle, est-ce que tu aurais proposé le rôle de la postière à Sandrine? Non, je n'aurais pas proposé le rôle de l'alphabet à Sandrine. Je l'aurais proposé. Le rôle de la postière à Sandrine. Je l'aurais proposé si ça avait été mon deuxième ou troisième film avec elle. Oui. C'était trop brutal pour. Oui, c'est ça. J'étais pas sûr qu'elle. Je sais maintenant qu'elle peut, qu'elle a, enfin avec d'autres moyens, mais qu'elle a l'espèce de folie nécessaire. Mais à l'époque, je ne sais pas. Alors qu'elle m'a complètement stupéfait quand je lui ai proposé le rôle. D'abord, elle m'avait demandé des trucs sur les analphabètes et tout ça, bon, des trucs de psychologie là. Et elle m'a dit oui, j'ai compris. Finalement, c'est un poireau. Et je lui ai dit écoute, c'est exactement ça. Et maintenant que je vous ai dit ça, vous la voyez dans le film, vous voyez un poireau. Non mais un poireau ambulant, mais c'est très étonnant. Et elle s'était fait une tête de poireau, elle était devenue, pas Hercule, hein, un poireau, un vrai poireau. Mais est-ce que cette distance que mettent les acteurs que tu aimes bien, enfin, oui. Qui sont les meilleurs, qui sont capables d'avoir de l'intensité, oui. Et en même temps de la distance, c'est pas justement ce qui permet d'éviter le sentimentalisme? Oui, c'est-à-dire que ça va même plus loin, c'est que j'ai une haine profonde de ce qu'on a l'habitude d'appeler le romantisme, qui n'est pas exactement le romantisme, mais enfin, le romantisme au cinéma, bon, c'est un peu les violons de Max Steiner, enfin, de temps en temps. Et, bon, c'est très américain. Les Américains sont souvent très romantiques dans leur approche. Et je ne crois pas qu'il y ait aucun élément romantique tel qu'on l'entend dans aucun de mes films. Alors donc, je fuis ça. Et c'est vrai que les acteurs que j'aime ont tendance à le fuir aussi. Ils n'aiment pas la larme à l'œil. Mais ça te permet d'aborder un personnage qui sombre dans le sentimentalisme, comme Madame Bovary. Sinon, tu ne pourrais pas. Oui, mais c'est ben oui, mais Flaubert est un anti-romantique, alors encore plus farouche que moi. Justement, le drame de Madame Bovary, c'est la tragédie du romantisme, c'est la tragédie de la femme qui sombre dans le romantisme. Ouais. À propos de Madame Bovary, on avait une conversation un jour, on se demandait si Jean-Yann, pour le rôle de Monsieur Homais, n'était pas une fausse bonne idée. Tu m'as répondu, oui, mais qu'est-ce que tu veux, à l'époque, je connaissais pas Raffarin. Oui, c'est ça, exactement. C'est-à-dire que, pour moi, c'est vraiment, physiquement, et même dans son comportement, des trucs comme ça, c'était le président, comme on faut toujours dire le président Raffarin. Mais bon, je pouvais pas lui demander Et puis je ne connaissais pas sa tronche. Quoique je l'avais vu, je crois, déjà une fois, mais il était... Pas sur le devant de la scène. Non, il n'était pas sur le devant de la scène. Il serrait les paluches à Cognac pendant le festival de Cognac. Tu vois. Sinon, je pourrais peut-être demander. Mais enfin, et je trouve que Jean, d'abord, j'étais ravi de le retrouver. Il y avait ça aussi, de le retrouver. Et je trouvais que ça n'était pas une extravagance, enfin, de prendre Jean. Tu m'as dit, il y a quelques années... Tu t'es amusé à faire des mauvais films à une époque, oui, pas volontaire. C'est-à-dire, on veut parler de ça. Il y en a pas tant que ça. Non. Bon, soyons sérieux. On serait pas d'accord sur lesquels aussi, peut-être. Alors peut-être qu'on serait pas d'accord sur lesquels. Mais enfin toujours, il y a quelques films que j'ai faits. Alors il y a un film que j'ai entièrement raté, mais que j'adore, qui est la Décade prodigieuse, parce que il est. On a Orson Welles quand même. Oui, mais il est. Mais le film est raté, mais je l'adore parce que. C'est là où j'ai demandé la main de ma femme. Bon. Ivre mort. Et ivre morte, elle a accepté. Donc, elle s'en est mordu les doigts. Elle s'en est mordu les doigts. Bon. Ça, c'est déjà ça. Bon. Mais j'ai fait des films. Il s'est trouvé que, après deux bons succès au départ, trois succès, mon quatrième film a été un scandale épouvantable. C'était Les Bonnes Femmes. Vous ne vous rendez pas compte, mais les gens cassaient les fauteuils en Normandie. C'était absolument monstrueux. Pourquoi aller non savoir. Mais enfin, bref, il cassait les fauteuils. Le film suivant n'a pas marché. Le film d'après, il n'y avait presque pas de spectateurs. Et le film d'après, c'était non communiqué. C'est-à-dire que... Bon, Résultat non communiqué. Bon. Donc c'était terrible. J'étais foutu parce que je n'avais pas pris suffisamment de précautions par rapport au public. Hein. Alors que c'était un peu tôt, parce que maintenant ces films à peu près sont acceptés, mais à l'époque c'était difficile. Alors j'ai été absolument aidé par Roger Hanin et sa femme Christine Gouzrenal qui voulait continuer Les Gorilles. Et Christine Gouzrenal a eu la et Roger ont eu la curieuse idée de me demander de faire un gorille. Alors bon, Les Gorilles ça marchait plus parce que Ponchardier, qui était l'auteur des bouquins, était nommé ambassadeur en Amérique du Sud. Bon, il allait espionner, bien entendu, mais enfin, bon, ça ne regarde personne. Et alors, donc, on a remplacé le gorille par le tigre. Donc, j'ai fait « Le tigre aime la chair fraîche ». Et je me suis bien amusé en faisant « Le tigre aime la chair fraîche ». Et le film a bien marché. Alors, ce qui est drôle, c'est que c'était... C'était moins bien que mes films qui s'étaient cassés la gueule, mais ça tenait compte du public et c'était pas honteux. Alors comme ça avait bien marché, ça m'a un peu rebecté et Bourgard qui m'aimait bien m'a fait faire un film alors là que j'aime bien qui est Marie Chantal contre le docteur K, qui est dans la veine parodie policière, enfin parodie d'espionnage, mais un peu plus bon. C'était une adaptation cachée. Du nommé jeudi de Chesterton, c'est-à-dire plein de zooms dans le film, oui, ça n'arrête pas. Ah oui, ça, il y a plein de zooms. Mais ça, c'était pour imiter les zoomers italiens qui faisaient ça beaucoup dans les dans ces films-là. Et alors ça fait un autre tigre aussi. Et alors j'ai fait le deuxième tigre là-dessus. J'ai fait le deuxième tigre. Là, Christine m'a un petit peu roulé. Elle m'a dit on va avoir des moyens formidables. On va tourner en Espagne. Alors à un moment donné, il y avait un bateau qui devait être pris par des gens qui arrivaient en sous-marin. Et on m'a dit assez tard, il n'y a pas de sous-marin. Il n'y a pas de sous-marin. Alors j'ai dit, oui, mais comment ils vont arriver? Il dit, bon, on va t'achever. Et alors j'ai trouvé un coup formidable. Les types arrivaient habillés en homme grenouille avec la ventouse à déboucher les chiottes. Comme ça. Ils avaient ça à la main. Et ils grimpaient le long du bateau avec la ventouse à chiottes. Ça a été un vrai choc. Et ça a bien fonctionné. C'est-à-dire que ça fonctionnait bien. C'était assez amusant. Et puis de nouveau, environ tous les 10 ans, il y a un moment où il y a un ou deux films qui marchent pas. Il y a le moment Folie Bourgeoise et tout ça. C'est terrible, ça. Folie Bourgeoise est, je crois, le plus mauvais film de l'histoire du cinéma, ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que j'en connais deux autres. qui ne sont pas de toi. Qui ne sont pas de moi. Je vous les cite, car je suis très... S'il te plaît. Il y a Fanny... de Joshua Logan, oui. Qui est une adaptation de la trilogie de Pagnol en un seul film de 2h15, avec la distribution suivante, car elle est importante. Je mets de côté Leslie Caron qui fait Fanny, ça c'est à peu près normal, mais nous avons droit quand même à Charles Boyer dans le rôle de César, Maurice Chevalier qui joue Panis, et Horst Buchholz qui joue Marius. Il faut voir ça. Si vous ne l'avez pas vu... Film qu'on ne voit jamais, c'est un scandale. Et pour cause, parce que c'est un truc... Et puis, il y a plus récemment l'admirable film de Bernard-Henri Lévy, qui est quand même une chose impressionnante. Et tu sais que ça lui fait beaucoup de peine de savoir que des gens se réunissent pour voir le film, pour se marrer. Pour se marrer, oui, c'est terrible. Mais je ne comprends pas, parce que c'est un homme intelligent et talentueux, et bon... Qu'il le fasse, c'est pas grave, hein, mais qu'il ne se rende pas compte de ce qu'il a fait, c'était. Et alors, ce qui est drôle, c'est que il paraît, mais ça je l'ai pas vu, mais c'est par l'intermédiaire de Benoît Magimel, je devrais pas le dire, non, mais enfin bon, oui, je le dis quand même. Je vois où tu veux en venir. C'est que le film qu'a fait Houellebecq, il paraît c'est pareil. C'est pas mal aussi. Il paraît que c'est pareil. On peut faire des doubles programmes. Ce qui est drôle, comme il y a le livre Houellebecq, Henri Lévy, moi je propose de recommencer ce qui était avant-guerre, le double programme, et de mettre le jour et la nuit et la possibilité ou l'impossibilité, je me souviens plus, du Nil. On fera une masterclass. Oui, on fera une masterclass. Oui. C'était Masterclass, initié par le Forum des images depuis sa réouverture en décembre dernier. Aujourd'hui, Claude Chabrol. Vous venez d'entendre Claude Chabrol au micro de Pascal Mérigeau dans une masterclass au Forum des images, diffusée la première fois le 1er août 2009 sur France Culture.